Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons encore ce matin une autre partie du Sermon sur la montagne. Et je vous encourage, quand vous étudiez ou méditez sur le Sermon sur la montagne, de le voir comme un tout. Chapitre 5, 6 et 7, c'est un tout. Il ne faut pas le dissocier, parce que sans ça, il y a des bouts qui ne feront plus de sens. Et souvent, les gens vont citer des parties du Sermon sur la montagne et vont le mettre dans un autre contexte. Et des fois, ça nous induit un peu en erreur. Donc, ce que nous allons voir ce matin, et c'est un passage qui est bien connu, mais je dirais que la grande partie des croyants, si je leur demanderais dans quel contexte est-ce que ce verset-là a été dit, ou ces vérités-là ont été dites, une bonne partie des croyants ne le sauraient pas. Donc, commençons par la prière. Notre Père du ciel, conduis-nous ce matin, conduis-nous devant cette grande vérité. Une grande vérité que ceux qui n'étaient pas assis sur la montagne, des fois, utilisent mal. Et au lieu de les aider, ça peut les détruire. Seigneur, ce que tu vas nous dire ce matin, nous devons le saisir comme tu voulais que les gens qui étaient assis devant toi pour t'écouter enseigner le comprennent. Parle-nous ce matin, par ton Esprit Saint, par ton Fils Jésus. Amen. Le Sermon sur la montagne, encore une fois, je le répète, c'est Jésus qui s'adresse à une foule de non-croyants, juifs en grande partie, je dirais, et qui ont une mauvaise compréhension de la volonté de Dieu et du plan de Dieu. Oh, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les Écritures, il y avait les Écritures dans l'Ancien Testament, mais ils comprennent mal. Et Dieu les invite à se repentir et à croire et entrer dans le royaume des cieux que lui veut établir. Donc le peuple juif n'était plus sous le règne de Dieu. C'est pour ça qu'en grande majorité, en grande majorité, ils vont rejeter le Messie. Et jamais ils vont l'accepter dans leur vie en tant que peuple. Donc, ces gens-là qui sont assis là, par milliers, et qui écoutent, ils entendent, depuis quelques heures peut-être, ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne. Heureux ceux qui sont pauvres, heureux les esprits qui cherchent Dieu, heureux ceux qui ne pratiquent pas leur foi pour être vus des hommes, ou malheur à ceux qui pratiquent leur foi pour être vus des hommes. Heureux ceux qui vont arrêter de s'inquiéter et qui vont entrer dans le royaume des cieux et se soumettre à leur roi. Tous ces gens-là, c'était nouveau pour eux. C'était nouveau. C'est pas ça qu'ils entendaient de leur enseignement de pharisiens. C'est pas ça qu'ils avaient entendu comme interprétation de la part de leur scribe. Donc Jésus, et je crois personnellement pendant ces quelques heures d'enseignement, les a bouleversés. Et si j'ai bien compris, en tant que celui qui est dans la foule, ce que Jésus demande, j'aurais été comme bouleversé, comme, mais ce que tu demandes, Seigneur, c'est bien au-delà de ce que nos pharisiens ont dit. Comment puis-je y entrer dans ce royaume des cieux-là? Les standards sont rien de moins que la perfection. sans inquiétude. On a vu ensemble que le royaume des cieux, c'est la perfection. Le royaume des cieux, c'est sans hypocrisie. Le royaume des cieux, c'est sans inquiétude. Le royaume des cieux, c'est quelque chose de parfait, de merveilleux, de divin. Comment puis-je y rentrer? Je crois que Jésus voulait créer en eux cette repentance et qui veut les pousser à crier vers Dieu. Et c'est pour ça qu'arrive le verset 7, je crois. Lisons ensemble. Chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, ces petits versets-là ici, qui sont souvent utilisés pour encourager les chrétiens à voir, demande-le, prie. Vas-y, frappe fort, demande fort, et tu vois, Dieu va te le donner. Essayons d'oublier ça un peu, ça. Je voudrais vous conseiller quelque chose ici. Ces mêmes versets-là, vous allez les retrouver ailleurs, dans d'autres contextes du Nouveau Testament, dans les Évangiles. Mais essayez pas de toutes les mettre ensemble, tous les contextes. Si l'auteur ici, je crois peut-être que Jésus l'a peut-être répété souvent ce verset-là, ces vérités-là. Mais ici, l'auteur les a mis ici, dans le contexte du sermon sur la montagne. Parce qu'il voulait qu'on pense comme cela, avec ce contexte-là. Tout ce que je viens de vous enseigner, dit Jésus, tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous demander, d'avoir une justice qui surpasse celle des pharisiens, de couper vos mains pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, de vous arracher les yeux s'il le faut, pour pouvoir éviter la gêne et être dans le royaume des cieux. Ce que je vous ai demandé d'être parfait comme votre Père Céleste est parfait, ce que je vous ai demandé d'être sans hypocrisie, ce que je vous ai demandé d'être sans inquiétude, de chercher le royaume des cieux, de ne pas juger, d'enlever votre poutre que dans votre œil. Je sais que vous n'en êtes pas capable. Je sais que c'est au-delà de vos forces humaines de pécheur. C'est impossible. Ici, il n'est pas en train de demander, de nous dire, tu veux qu'il fasse beau demain parce que tu vas faire un beau petit pique-nique, là? Demande-le, il va te le donner. T'es malade, là, puis tu voudrais pas avoir mal au ventre, là? Demande-le, là, puis il va te le donner. Frappe, tu vois, Jésus va t'ouvrir la porte. Il est tellement bon. Il va te le donner, tu vois. Demande-le avec foi. C'est pas ça qu'il est en train de parler. Ce qu'il est en train de parler ici, je crois, à cause du contexte, c'est ce qu'il vient de dire. Il dit, demande-moi-le. Demande-le pas à maman. Demande-le pas à un autre. Demande-le pas à ton pasteur. Demande pas à ta femme, à ton mari. Demande-moi-le. Et je vais te donner. Frappe à ma porte et je vais ouvrir. Cherche-le dans le royaume et tu vas le trouver. Pourquoi? Parce que je donne à celui qui demande. Parce que j'ouvre à celui qui cherche, à ceux qui frappent. Et je me laisse trouver par celui qui me cherche. Dieu avait dit la même chose à Salomon par la bouche de David. Cherche l'Éternel de tout ton cœur et il va te donner ce que ton cœur désire. Parce que ton cœur désire, c'est quoi? C'est l'Éternel. C'est les choses du royaume. C'est ça qu'il va vous donner. Mais si vous cherchez les trésors sur la terre et que vous priez Dieu pour qu'il vous aide à amasser des trésors sur la terre, il ne vous aidera pas. Il ne vous aidera pas. Et des fois, c'est ça qu'on fait, malheureusement. Plein de monde, non-croyants, essaie d'utiliser Dieu pour avoir des richesses de ce monde, pour être bien sur la terre, des trésors sur la terre. Dieu dit non. Dieu dit non. Même ceux, frères et sœurs, qui ne prient pas, qui n'aiment pas Dieu, qui haïssent Dieu, qui sont païens, qui sont athées, toutes ces choses-là que les gens cherchent, ils l'ont. Puis ils ne prient pas. Ils ne louent pas, puis ils n'adorent pas Dieu. Puis ils l'ont, puis bien plus que les chrétiens. Il y a des gens inconvertis qui ont la santé, il y a des gens qui ont de la richesse, qui ont des enfants qui fonctionnent bien socialement parlant. Et ils ont tout ça. Puis ils ne prient pas. C'est pas ça que Jésus parle ici. Il parle des choses qui vient de mentionner dans chapitre 5, 6 et 7. Demandez-le et je vais vous l'accorder. Puis là, il donne l'exemple extrême. Il dit, vous qui êtes papa ou maman, ou papy ou mamie, et qu'on vous demande un morceau de pain, allez-vous lui donner une bière? Ben non. Si on vous, il lui demande un poisson, allez-vous donner à l'enfant un serpent? Il dit, ben non. Mais il dit, vous qui êtes méchants, vous donnez quand même des bonnes choses à vos enfants. Des pains, des poissons, des vêtements. Attention là. Le fait de donner des bonnes choses à vos enfants, ça ne vous rend pas bon. Ça ne nous rend pas bon. Il dit, vous êtes méchants et vous restez méchants, même si vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Il ne dit pas, quand vous donnez des bonnes choses à vos enfants, vous êtes bons. Non, il déclare premièrement, vous êtes méchants et vous donnez des bonnes choses à vos enfants. N'est-ce pas? Mais à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, votre roi, votre maître que vous avez choisi, que vous êtes entré dans ce royaume, si vous y rentrez, ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses si vous lui demandez? De bonnes choses si vous le demandez? Ici, des fois, on fait l'erreur de penser, c'est mon interprétation, qu'à cause que, il prend l'exemple des hommes qui donnent à leurs enfants du pain, de la nourriture, des ci, de ça, de ça, que c'est ça qu'il nous dit de demander. C'est pas ça qu'il nous invite ici. Là, il parle des parents humains, donc les enfants demandent à leurs parents humains des choses terrestres, physiques, matérielles, parce qu'ils ne peuvent pas nous donner autre chose. Mais si vous demandez à vos parents, à vos papis, à vos mamies, à tous ceux, à votre mari que vous aimez par-dessus la tête, de vous donner la vie éternelle, il n'est pas capable. De vous pardonner vos péchés, il n'est pas capable. Mais si vous demanderez à tous vos intimes, que vous avez les plus intimes, de vous donner les choses spirituelles, ils en sont incapables. Donc, il donne l'exemple du Père. Si tu lui demandes un pain, il peut te donner le pain. Si tu lui demandes un poisson, il peut te donner un poisson. Ça, c'est dans son domaine. Mais dis-moi, votre Père qui est dans les cieux, si vous me demandez les choses des cieux, si vous me demandez les choses du royaume, moi, je vais vous le donner. Parce qu'il nous a dit juste avant, il y a quelques jours, cherchez d'abord les choses des cieux et les autres choses, ils vont vous être données par-dessus tout. Je vous l'ai dit il y a juste quelques minutes, frères et sœurs, les païens, Dieu leur donne quand même, puis ils ne demandent pas. C'est bien Dieu qui leur donne, qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est Dieu qui donne à manger à mon voisin qui est un pur païen. C'est lui qui donne à manger. Lui, il ne le reconnaît pas. Puis il ne le loue pas, mais il ne remercie pas le Seigneur pour ça. Mais c'est pourtant le Seigneur qui en donne pareil. Puis il ne prie pas pour l'avoir. Puis pourtant, il l'a. Mais il n'y a pas les choses spirituelles. Dieu n'est pas son père. Ce n'est pas son maître, ce n'est pas son roi. Il n'est pas dans le royaume. Ou il ne veut pas entrer dans le royaume. Ici, ce que Jésus veut encourager, c'est « demande-moi les choses spirituelles, cherche d'abord le royaume des cieux, et moi, je vais te donner ces choses-là. Moi, je vais te donner d'avoir un cœur pur. Moi, je vais te donner d'être capable d'aimer tes ennemis. Moi, je vais te donner la perfection que tu cherches. Moi, je vais te donner d'être capable de vivre ta foi sans hypocrisie. Moi, je vais te donner d'être capable de vivre dans le royaume sans inquiétude. Moi, je vais te donner d'enlever ta poutre. Moi, je vais le faire, ça. Moi, je suis capable de le faire. Puis, je suis bon, en plus. Je suis bon. Demande. Frappe. Cherche, et je vais te le donner. Parce que lui le veut et l'a promis. N'utilisons pas, frères et sœurs, la prière pour obtenir ce que le Seigneur donne aux non-croyants sans qu'il le demande. C'est ma compréhension. À quoi ça sert? J'ai des gens qui ont des plus belles maisons que moi. Il y a des gens qui ont plus de nourriture raffinée que moi. Il y a des gens qui ont des plus belles autos que moi. Il y a des gens qui ont une meilleure santé que moi. Ils sont des purs païens et blasphèment le nom de Dieu gros comme le bras. Et les chrétiens, des fois, prient, jeûnent, demandent toutes sortes de choses à Dieu pour les avoir et ne les ont même pas. Il y a des chrétiens dans ce monde, frères et sœurs, qui ont beaucoup de difficultés matérielles. Ils sont chrétiens, je crois. Mais ils sont riches. Et je crois personnellement que tous les enfants de Dieu sont spirituellement riches également. Dieu dit, demande-moi-le et je vais te le donner. Demande-moi le royaume. Demande-moi de faire partie du royaume et je vais te le donner. Demande-moi d'être ton roi, ton sauveur, ton Seigneur et je vais l'être. Utilisons la prière afin de pouvoir vivre dans ce royaume comme Dieu l'a demandé, afin de pouvoir accomplir la volonté qu'il veut qu'on accomplisse. Utilisons la prière pour pouvoir le louer, le glorifier, le servir. Lui est en train de bâtir ce royaume. Donc, utilisons la prière pour bâtir ce royaume avec lui. Et en fait des promesses, demandons-les dans la prière. Il nous demande de faire certaines choses, demandons-lui la grâce de faire ce qu'il nous a demandé. Et je crois que notre vie de prière va être pleine, heureuse, et on va avoir amplement de sujets de prière. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu dis demander, chercher, frappé. Et moi qui suis bon. Parce qu'il faut bien, il dit bien, votre Père Céleste, moi qui suis bon, je vous les donnerai. Aide-nous à discerner ce que les païens demandent, de ce que les enfants de Dieu demandent. Aide-nous à discerner ce que les païens cherchent, ce que les enfants du royaume cherchent. Donne-nous la grâce, Seigneur, de t'approcher dans le but de te glorifier. Amen.